وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاليوم هو الثاني من شهر ذي القعدة عام 1434، ندخل فيه إن شاء الله تعالى في الدرس 13 من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. Aujourd'hui, le 8 septembre 2013, nous allons, incha'Allah ta'ala, entrer dans le 13e cours de ce même livre, « Les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés à la fin du chapitre concernant ce sur quoi s'accoudait le prophète alayhi salatu wa sallam. Et avant ce chapitre, nous parlions de la façon de s'asseoir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons ajouter une manière de s'asseoir qui n'a pas été citée dans le livre et qui a été rapportée par Jabir ibn Samurah radiyallahu anhu, qui a dit: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha salla al-fajra tarabba'a hatta tatlu'a ash-shams hasna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la prière du Fajr, puis s'asseyait dans la position qu'on appelle At-Tarabbu', et cela jusqu'à ce que le soleil se lève. At-Tarabbu', cette position, c'est quand on s'assoit sur son derrière et qu'on croise les jambes de sorte à ce que les cuisses, donc le côté extérieur des cuisses et le côté extérieur des mollets, soient posés par terre, comme ça, ou comme Bilal. C'est une manière de s'asseoir qui est connue. Souvent, c'est la manière de s'asseoir de l'imam après la salah. Hada Bilal, tarabbu'. Al-an Bilal tarabba'. Voilà ce qu'on appelle l'assise, al-tarabbu'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait en hubwa, comme on a vu ça hier, et des fois il s'asseyait en tarabbu', comme on vient de le voir. Nous allons, incha'Allah, entrer dans le chapitre d'aujourd'hui. Bab al-yawm wa bab ma ja'a fi ittika'i Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre d'aujourd'hui sur sa façon de s'appuyer alayhi salatu wa salam. Wa al-farq bayna al-babayn an al-bab as-sabiq fi ittika'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hal al-julus. والثاني اتكائه عليه الصلاة والسلام حال القيام إذا كان في تعب فيحتاج إلى أن يتكئ على أحد من أصحابه وهو يمشي عليه الصلاة والسلام. La différence qu'il y a entre ces deux chapitres, celui que nous allons étudier et le précédent, c'est que dans le premier, nous parlons de la manière de s'appuyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam en position assise. Et dans celui-ci, nous allons parler de la manière de s'appuyer ou de s'accouder du prophète sallallahu alayhi wa sallam en position debout, cela quand il est touché par la fatigue, que ce soit quand il est debout sans marcher ou bien debout en marchant, alayhi salatu wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait parfois besoin que on le tienne pendant qu'il marche, comme la maladie qui a été parmi les causes de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'arrivait pas à rejoindre les rangs de la prière seul. Il avait besoin d'être accompagné. Et il s'aidait parfois de deux compagnons, radiyallahu anhum, afin de l'amener jusqu'à sa position, jusqu'à sa place où il accomplit la prière, alayhi salatu wa sallam. Dans ce chapitre, deux hadiths nous sont rapportés. Le premier est authentique et le deuxième est faible. Le premier, il a été rapporté dans un chapitre précédent, comme nous allons le voir, incha'Allah, dans le chapitre concernant Bab ou Maja'a fi libas ya Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, chapitre concernant les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا أي به مرض خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. Et donc, dans ce hadith, Anas ibn Malik radiallahu anhu nous informe qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti alors qu'il était malade. Il se plaignait d'une maladie qui l'avait touché. Et quand il est sorti ce jour-là, il s'appuyait sur Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd est un compagnon parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré. Usama ibn Zayd min ahabbi sahaba ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un jeune. Et c'est d'ailleurs lui qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour combattre les Roms. Les Roms qui étaient une nation très forte, physiquement, financièrement, et qui ont voulu causer du tort aux musulmans et à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formé une armée, et dans celle-ci, il a mis en commandant Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu. Et derrière, parmi les gens qui devaient obéir à Usama, il y avait les meilleurs des sahaba, Abu Bakr, Abdurrahman ibn Auf, et bien d'autres encore parmi les 10 compagnons qui ont été promis au paradis pendant leur vie. Alors, les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, ils se sont plaints de sa jeunesse, car savez-vous quel âge il avait? Il avait 16 ans, quand il était le chef de guerre. Il avait 16 ans. Et les gens se sont plaints, comment se fait-il qu'il ait le commandant alors qu'il est jeune et que derrière lui il y a des gens bien plus grands? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, wa inni la a'lam annahu la jadirun bil imara, et je sais et Allah sait qu'il est digne d'être un commandant. Puis ils sont partis, thumma mashaw fi nahwa ar-rum liyaghzuhum, puis ils sont allés en direction des Roms pour les conquérir. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et quand il est mort, alayhi salatu wassalam, l'armée a fait demi-tour et est revenue. Le temps de voir qui est-ce qui va prendre le commandement après le prophète, alayhi salatu wassalam. Puis, les gens se sont tous mis d'accord sur Abu Bakr, radiyallahu anhu. Alors Abu Bakr, radiyallahu anhu, première chose qu'il a faite, dès qu'il est devenu commandant des musulmans, Amir al-Mu'minin, il a envoyé cette armée qu'avait envoyé le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont donc pris la route en direction des Roms. Et les gens se sont plaints. Certains ont été voir Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui était proche de Abu Bakr, pour lui dire, va voir Abu Bakr et dis-lui que Usama est trop jeune. Il y a derrière lui des gens qui sont plus âgés que lui, peut-être plus expérimentés que lui. Alors, Omar est allé voir Abu Bakr. Abu Bakr a dit à Omar, rapproche-toi de moi. Et sachez que le gabarit de Abu Bakr était bien différent de celui de Omar, à un point où ceux qui le décrivaient disaient que Omar radiallahu anhu, quand il était vu dans les marchés, on avait l'impression qu'il était sur une monture, il était à cheval tellement il était grand. Et Abu Bakr radiallahu anhu, à chaque fois qu'il marchait, il remontait son pantalon qui tombait car il était mince. Mais ce jour-là, Abu Bakr a dit à Omar, rapproche-toi. Omar s'est rapproché. Abu Bakr l'a attrapé par sa barbe, il l'a tiré et lui a dit, Thakilatka ummuk, que ta mère te perde, Omar. Awa u'ammiru ghayra amiri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, veux-tu que je désigne un commandant autre que celui désigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Puis après, il a juré par Allah qu'il allait envoyer ce commandant, et c'est ce qui s'est passé. Il l'a envoyé. Omar radiallahu anhu est retourné voir ces gens qui lui ont dit d'aller voir Abu Bakr, et il leur a dit ce que Abu Bakr lui a dit, Thakilatkum ummukum, que votre mère vous perde. Ani, vous m'avez envoyé dans un grand problème. Je suis rentré dans un souci à cause de vous. Quoi qu'il en soit, Usama ibn Zayd radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est appuyé sur lui quand il est sorti pour aller diriger la prière, alors qu'il portait ce vêtement que on avait étudié, qui est thawb al-qitri, C'est un vêtement, un des tissus du Yémen, qu'il avait mis sur ses deux épaules, sallallahu alayhi wa sallam, puis il a dirigé la prière. نستفيد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على بعض أصحابه عند الحاجة إذا أصابه التعب. Nous tirons de ce hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم s'appuyait sur un de ses compagnons pour marcher, cela quand il était touché par la fatigue, عليه الصلاة والسلام. Voilà en ce qui concerne le chapitre concernant la façon de s'appuyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était debout. Le chapitre suivant, Babu ma ja'a fi 'aysh Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ce chapitre est très important. Il y a dans celui-ci beaucoup de leçons à tirer. Nous allons voir combien était modeste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir combien nous sommes ingrats envers Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les bienfaits qu'il nous a donnés, tabaraka wa ta'ala. Le train de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, babu ma ja'a fi 'aysh rasulillah, wal muradu bil 'aysh al akl wa ta'am wa al qut. Ce qui est voulu ici à travers le train de vie du prophète alayhi salatu wa salam, c'est ce qu'il mangeait, ce avec sa nourriture, sa nutrition, sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir que le prophète Mohammed, alayhi salatu wa sallam, n'était pas riche. Et qu'il était de juste milieu, même dans ce qu'il mangeait. Alayhi salatu wa sallam. Ja'a fi sahihayn, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam maqal, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Il est même venu dans les deux recueils de Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en invoquant Allah, « Oh Allah, fais de la subsistance de la famille de Muhammad alayhi salatu wa sallam, ce qu'on appelle en arabe « qut ».« Al-qut wa ma yakfil insan »« Yasuddu al-haja » Al-qut, ce qu'on appelle « qut », c'est ce qui suffit. Je me souviens plus, il y a un mot en français, quand on dit de quelqu'un qui prend ce qui lui est suffisant, sans ni plus ni moins, il y a un mot, j'ai oublié, ala kulli hal. Donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit, oh Allah, fais que ma nourriture, que mon argent, que mes biens, ainsi que ceux de ma famille, soient de juste milieu. Pourquoi ? لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. Car ce bas monde n'a aucune valeur chez Allah. Il n'a pas la valeur de l'aile d'un moustique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. C'est-à-dire, si ce bas monde avait chez Allah la valeur ne serait-ce que de l'aile d'un moustique, Allah n'aurait pas abreuvé un kafir, un mécréant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Allah leur donne toutes ces choses-là alors que eux ne sont pas croyants et qu'eux ne sont pas reconnaissants? Parce que ce bas monde n'a aucune valeur chez Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, quand quelqu'un a une grosse part de ce bas monde, cela ne veut aucunement dire qu'il est aimé d'Allah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. Certes, Allah donne de ce bas monde à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas, mais il ne donne de la religion qu'à celui qu'il aime. Donc, quand tu vois quelqu'un avec dunya, ça ne veut pas dire qu'il est aimé d'Allah Azza wa Jal, forcément. Par contre, quand tu vois quelqu'un avec la religion, ça veut dire qu'il est aimé d'Allah. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons voir son train de vie, comment il mangeait, comment il était, alayhi salatu wa sallam. Et cela est en conformité avec beaucoup de versets du Coran, parmi lesquels Allah azza wa jalla dit dans sourate Al-Furqan: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Lorsqu'Allah vante les mérites de ses serviteurs les plus rapprochés, Il dit qu'ils sont ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ils dépensent de leurs biens, ils ne font ni de l'excès, et ils ne font ni de l'excès ni de l'avarice. Ils ne donnent pas trop, mais non plus ils ne sont pas radins, ils ne sont pas avares. Et ils sont de juste milieu entre ça, entre l'avarice et l'excès. Donc voilà comment était le prophète alayhi salatu wassalam. Le premier hadith nous est rapporté par Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, est un noble tabi'i. Un tabi'i, c'est le nom que l'on donne à celui qui a vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a pas vécu avec le prophète ou qui ne l'a pas vu et qui ne l'a pas rencontré, alayhi salatu wassalam. Il rapporte, il dit, « قال, كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بجنونا وما بجنون وما هو إلا الجوع. سبحان الله. أبو هريرة رضي الله عنه. ابن سيرين nous dit, nous étions chez Abu Huraira رضي الله عنه. Il portait deux vêtements en un. عليه ثوبان ممشقان أي فيه ألوان وخطوط. Il portait un vêtement qui avait des traits de couleur. Ici, on nous dit, il portait deux vêtements en lin, teint à l'argile rouge. C'était donc un vêtement modeste. Hadan al-thawban kana mutawadi'in. Ils n'étaient pas des vêtements de luxe, plutôt ils étaient modestes. Il nous dit, il se moucha dans l'un des deux. Abu Huraira radiyallahu anhu portait deux vêtements. Et il s'est mouché sur son vêtement. Il a pris son vêtement et s'en est servi comme un mouchoir. Abu Huraira, pour vous rajouter, Abu Huraira, c'est un des meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est converti à l'islam 5 ans avant la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'est lui qui est le plus grand rapporteur du hadith. Dans beaucoup de hadiths, on entend la même chose. Abu Huraira qui a rapporté ce hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu a sacrifié ses 5 années et il est resté avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il était pauvre pour écouter et apprendre ce que le prophète alayhi salatu wassalam disait pour que toi aujourd'hui tu saches par exemple comment faire ta prière, pour que toi tu saches comment suivre la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle il mérite de ta part un grand respect. Il y a même un hadith ou un athar, je ne me souviens plus si c'est un hadith ou une parole d'un compagnon, qui nous dit de demander à Allah azza wa jal le pardon pour Abu Huraira et pour sa mère. Fallahumma ya dhal jalali wal ikram, ighfir li Abi Huraira wa li ummi. Allahumma ighfir li Abi Huraira wa li ummi. Allahumma ighfir li Abi Huraira wa li ummi. Qu'Allah pardonne Abu Huraira et à sa mère. Radiyallahu anhu. Il se moucha dans l'un des deux et dit, après s'être mouché, Abu Huraira lui-même a dit, bakhin, bakhin. Wa hadhihi al-kalima bakh yaquluha al-insan idha u'jiba bi shay. Cette parole, bakh, bakh dans la langue arabe, c'est un mot que l'on dit quand on est étonné d'une chose. Quand on est étonné d'une chose, en langue arabe, on dit bakh, bakh. En français, ça peut être traduit approximativement par bravo. Bakh, bakh. Abu Huraira lui-même dit ça. Et puis il continue et dit, Abu Huraira se mouche dans du lin, dans son vêtement-là. Ensuite il dit, il m'arrivait autrefois de tomber évanoui entre le minbar. Le minbar, c'est l'estrade où on prononce le discours du vendredi. Entre le minbar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'appartement de Aïcha radiyallahu anha. وهذا المكان ما بين المنبر والحجرة حجرة عائشة وهو الروضة. Et cet endroit qui est entre le minbar et l'appartement de Aïcha, c'est ce qu'on appelle al-rawda. Al-rawda, c'est le jardin. Ça a été appelé comme ça car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma bayna minbari wa hujrati, ou comme a dit alayhi wa sallam, rawda min riyad al-janna. Il dit l'espace qu'il y a entre le minbar et l'appartement de Aïcha est un jardin parmi les jardins du paradis. Et il est reconnaissable au jour d'aujourd'hui car les tapis sont de couleur verte là-bas. Actuellement, à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors que dans le reste de la mosquée, les tapis sont de couleur rouge. Cependant, il n'y a pas de hadith. لا يصح حديث في فضل الصلاة أو الحث على الصلاة في روضة. إذا تيسر أن تصلي صلي وإذا لم يتيسر لك فلا عليك شيء. Si tu peux y prier, prie, mais si tu ne peux pas y prier, il n'y a pas de problème car il n'y a pas de mérite ni d'encouragement particulier à prier dans cet endroit quand tu t'y rends. Abu Huraira dit que des fois, il m'arrivait autrefois de tomber évanoui, donc dans la rawda. Quelqu'un venait alors mettre son pied sur mon cou. Donc les compagnons qui étaient en sa présence le voyaient tomber. Il faisait des crises. Quelle crise ? لِمَذَا كَانَ يَقْعَ عَلَى الْأَرْضِ بِسَبَبِ شِدَّةِ الْجُوعِ. Il tombait par terre, radiyallahu anhu. رَفَرَ لَهُ وَلِأُمِّهِ. Il tombait par terre tellement il était affamé. Radiyallahu anhu. Et quand il tombait par terre, les compagnons pensaient qu'il était habité par un démon. كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ مَسْكُونَ وَأَنَّ فِيهِ جِنْ أَوْ جِنِّي. كَمَا قَالْ مَذَا فَيَجِئُ الْجَائِ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي. L'un d'entre eux venait à moi mettre son pied sur mon cou en s'imaginant que j'étais pris d'un accès de folie. Or, ce n'était guère la folie, mais seulement la faim. C'est-à-dire que Abu Huraira, radiyallahu anhu, il faisait des crises de faim, telles que les gens qui le voyaient pensaient de lui qu'il devenait fou ou bien qu'il était habité par un démon. Voilà ce qui nous est rapporté dans le premier hadith. Le chapitre ici, c'est quoi ? Le train de vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ici on parle du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam? Alors pourquoi l'auteur nous a cité l'histoire de Abu Huraira dans le chapitre qui nous parle du train de vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Qui a la réponse? Non. Donc le frère dit, car il était constamment avec le prophète, alayhi salatu wassalam, donc il était semblable à lui. Et pour être plus clair, c'est proche, mais pour être plus précis, plus clair, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wassalam, s'il avait un train de vie aisé, pensez-vous qu'il aurait laissé Abu Huraira faire une telle crise? Non. Donc si le prophète, alayhi salatu wassalam, a laissé son compagnon Abu Huraira faire une crise comme il nous est cité ici, c'est qu'il n'avait pas de quoi justement subvenir à ses besoins, il n'avait pas de quoi le nourrir. Donc vous avez compris pourquoi ici le Cheikh Al-Tirmidhi rahmallah a cité cette parole dans ce chapitre. Alhamdulillah. Naam. Le frère, il a relevé une bonne remarque. C'est que Ibn Sirin, il n'était pas présent à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Walakin, ça c'est vrai, mais il faut bien que tu lises. Relis le hadith, tu vas voir qu'il y a deux parties dedans. La première, c'est quand il est avec Ibn Sirin. Et la deuxième, c'est quand Abu Huraira raconte qu'est-ce qu'il faisait quand il était avec le prophète, alayhi salatu wassalam. T'as compris? Il dit, لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِي لَأَخِرُّ فِي مَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ alayhi salatu wassalam. Il se souvient le jour où il tombait Il se souvient du jour où il tombait de crise de faim quand il était à cet endroit-là. Et ici, il nous parle des crises qu'il faisait à l'époque de Rasoul, alayhi salam. Voilà. هكذا شرحه الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد. C'est comme ça que ce hadith a été expliqué, ouais, c'est واضح. Ibn Sirin, rahimahullah, nous dit qu'un jour il était avec Abu Huraira et qu'il a vu Abu Huraira se moucher dans son vêtement. Ensuite, Abu Huraira lui-même a dit bravo, bravo. Abu Huraira se mouche dans son vêtement, puis Abu Huraira va parler de lui dans sa situation dans laquelle il était quand il était avec le prophète, alayhi salam, en disant qu'il se souvient comment il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a cité la fin du hadith. Le deuxième hadith. Le deuxième hadith, عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس. Ce deuxième hadith est rapporté par Malik ibn Dinar. Il nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est guère rassasié de pain ni de viande, sauf lorsqu'il en mangeait avec de nombreuses personnes, ce qu'on appelle en arabe ad-dafaf. Ad-dafaf, c'est le nom que l'on donne à un grand nombre d'invités. Kana alayhi salatu wa salam la yashba' illa idha kathura ad-duyuf 'indahu. Wa huwa ma'na ad-dafaf. Donc Malik ibn Dinar dit, j'ai demandé à un homme parmi les bédouins ce qu'était Al-Dhafaf, car les bédouins sont ceux qui connaissent l'arabe. Il répondit, cela signifie de prendre son repas avec les gens, c'est-à-dire avec plusieurs personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se rassasiait pas quand il mangeait, ni avec la viande, ni avec le pain, alayhi salatu wa sallam, si ce n'est dans une situation quand il était accompagné de nombreux invités. Pour quelle raison? Pour faire plaisir à l'invité qui est avec lui. Car des fois, quand tu invites quelqu'un, il va être à l'aise s'il te voit toi-même, l'habitant de la maison dans laquelle tu l'as invité, manger. Et il va être mal à l'aise s'il voit que tu ne manges pas. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, pour faire plaisir à ses invités, il mangeait comme eux jusqu'à être rassasié. Sallallahu alayhi wa sallam. Et car cela fait partie des causes de la baraka dans ta'am, dans le repas. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans un hadith, ta'am al-wahid yakfi lithnayn. Le repas d'une personne est suffisant pour deux, ensuite le repas de deux personnes est suffisant pour quatre, et le repas de quatre personnes est suffisant pour huit. Pourquoi? Car plus les gens se rassemble dans la ta'am, plus il y a de la baraka. À un point où, à la base, le repas est un repas d'une personne. Mais comme ils se sont unis à deux, dans ce repas, Allah en a mis de la baraka. Et c'est pourquoi l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit que parmi ce qui met la baraka dans la ta'am, il y a le fait de dire Bismillah avant de manger, Alhamdulillah après manger, et qu'il y ait beaucoup de gens autour de ce plat. Parmi ce qu'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'habitude d'être rassasié comme nous, malheureusement, qui mangeons jusqu'à ce qu'Allah sait. Ma'al asaf. Hadith suivant. An Simak ibn Harb, qala, sami'tu an-Nu'man ibn Bashir, يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ أي أليس عندكم ما تريدون وما تشاءون وما تشتهون من المآكل والمشارب؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل هو التمر الرديء. دونك ابن حرب رحمه الله دي j'ai entendu Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir, c'est un des compagnons du prophète radiyallahu anhum. C'est celui qui a rapporté le hadith al-halal ubayyin wal-haram ubayyin wa baynahuma mushtabihat. Le licite est clair et l'illicite est clair, et entre les deux il y a des choses ambiguës, le hadith qui est dans les 40 hadiths. Il dit, n'avez-vous donc pas de nourriture et de boisson comme vous en voulez? C'est-à-dire que vous êtes dans une situation d'aisance, à un point où vous avez tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez. Ici, Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, s'adresse aux gens de son époque. Et les gens de son époque ne sont pas comme nous. Alors si eux ont tout ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent comme nourriture et comme boisson, que dire alors de nous? Donc si cette parole est valable pour ces gens-là, elle l'est pour nous à plus forte raison. C'est comme si qu'on nous disait, n'avez-vous pas assez de nourriture? N'avez-vous pas assez de boisson pour vous plaindre? Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les gens se plaignent. Ils se plaignent de manger deux fois la même chose dans la journée. Ils se plaignent car il n'y a pas assez de sucre ou il n'y a pas assez de sel dans le plat. Alors que voilà comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nu'man ibn Bashir dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il ne trouvait point des dattes dures qu'on appelle en arabe ad-daqal, d'où le nom des dattes d'Algérie, de Tunisie, d'Agla. En vérité c'est Daqla. Daqal, c'est le nom que l'on donne à la date qui est sèche un petit peu. La date qui est sèche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouvait pas comme date dure de quoi remplir son ventre. Que dire alors comme date humide, comme date fraîche, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, an Aisha radiyallahu anha, قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إلا إن هو إلا التمر والماء. الله أكبر. عائشة رضي الله عنها nous dit, nous restions, nous la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un mois sans allumer un feu. Il n'y avait que des dattes et de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire sans allumer un feu? Hein? Sans faire de repas. لا يطبخون الطعام ولا يصنعون اللحوم حتى يأكلوها لعدم وجودها يومئذ. Ils n'avaient pas pendant un mois de feu dans leur maison. Ça veut dire que ils ne cuisinaient pas. Ils ne cuisaient pas la viande pour la manger, puisque tout simplement ils n'en avaient pas. Mais au contraire, ils n'avaient que des dattes et de l'eau. Sallallahu alayhi wa sallam. Qui est celle qui parle? Aïcha radiyallahu anha. De qui elle parle? De la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si cela te prouve une chose, ça ne fait que te prouver le caractère vil de ce bas monde. Hawanu dunya ala Allah azza wa jal. Car si law kanat ad-dunya 'azimatan 'inda Allah, lama kana hal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tilk. Car si ce bas monde avait une valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala, la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas été celle qui nous est décrite ici. Voilà comment était la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith suivant. Le hadith suivant est un hadith qui a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah. Mais dans celui-ci, on fait référence au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était affamé, ainsi que les compagnons, il mettait des pierres sur leur ventre qu'il resserrait avec un vêtement ou un tissu pour appuyer sur leur estomac afin d'alléger la douleur qu'il ressentait. Ce hadith ici est faible. Cependant, d'autres hadiths dans ce sens sont authentiques. Par exemple, ceux qui sont rapportés par l'imam al-Bukhari ou bien Muslim. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu nous dit, dans le hadith qui est rapporté par al-Bukhari, « Inna yawm al-khandaq nahfiru » Nous, le jour du fossé al-Khandaq, il fait référence ici à la bataille des coalisés. Les coalisés étant les groupes d'ennemis à l'islam qui se sont regroupés afin d'attaquer les musulmans de Médine. Ce jour-là, les musulmans de Médine ont creusé tout autour de la ville un fossé afin d'empêcher l'ennemi de rentrer dans la ville de Médine. Et ce jour-là, pendant qu'ils creusaient ce fossé pour se préparer à l'arrivée de l'ennemi, il dit, le jour du fossé, nous creusions. فَعَرَضَتْ كُدِيَا أي صَخْرَ صَمَّا Quand est apparu un rocher immense, c'est-à-dire un rocher qu'il n'arrivait pas à détruire, car il fallait continuer à creuser. Mais sous la terre, ils se sont aperçus qu'il y avait un rocher si grand qu'il n'arrivait pas à le détruire pour continuer à creuser. في الخندق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فجاء النبي صلى الله فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ils ont donc été voir le prophète عليه الصلاة والسلام فقال أنا نازل le prophète عليه الصلاة والسلام a dit je vais descendre c'est-à-dire je vais descendre le casser puis ici on ne nous dit pas comment il a été cassé mais quand il est descendu عليه الصلاة والسلام il a mis un simple coup et le rocher s'est réduit en poussière sallallahu alayhi wa sallam thumma qama wa batnuhu ma'soubun bihajar puis il s'est levé et s'est montré aux gens son ventre qui était compressé avec hajar avec une grosse pierre alayhi salatu wa sallam il dit wa labithna thalathata ayyam la nadhuqu dhawaqan ay la na'kulu ta'aman Il dit, nous sommes restés 3 jours sans rien manger. Qu'est-ce qui dit ça? Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, le jour de Al-Khandaq, le jour où ils creusaient. Ils sont restés pendant 3 jours sans manger, et ils ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec une pierre sur le ventre, pour alléger la douleur en appuyant sur son estomac, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam muslim, rahimahullah, rapporte également, selon Anas ibn Malik radiyallahu an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam yawma j'ai été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour qala fa wajadtuhu jalisan ma'a ashabihi yuhaddithuhum quand je l'ai trouvé ce jour-là assis en compagnie de ses compagnons alors qu'il s'adressait à eux wa qad asaba batnahu bi'isabah Il avait attaché et compressé son ventre, sallallahu alayhi wa sallam. فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ J'ai alors dit à certains de ses compagnons qui étaient avec lui, لِمَا عَصَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَهِ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ J'ai donc dit, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compressé son ventre comme il, de la sorte? Les compagnons ont répondu, à cause de la faim, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi était le train de vie du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, An Abi Huraira, c'est un hadith qui est assez long et qui contient beaucoup d'enseignements. Abu Huraira, قال, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه أي خرجت حتى أسلم عليه وأتمتع بالنظر إليه قال فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك أي أنا كذلك جوعان فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وهو صحابي وكان رجلا كثيرا النخل والشاء والشاء جمع شاة ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء يستخرج لنا الماء العذب. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها أي يحملها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعانقه ويفديه بأبيه وأمه، أي يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا أي فرش لهم على الأرض، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه أي جمع له التمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه، أي أفلا اكتفيت بأن تأخذ بعضا من هذه الرطب. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختار أو تخير من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء إلى آخر الحديث. لكن البروفيت صلى الله عليه وسلم est sorti un jour dans une heure il sortit à une heure où il n'avait pas l'habitude de sortir alayhi salatu wassalam. Quand est-ce que a eu lieu cette heure? Est-ce que c'était la journée? Est-ce que c'était la nuit? On n'a pas ici de parole claire. On nous dit pas, le compagnon ne nous a pas dit il est sorti la nuit. Kharaja dhata layla aw dhata nahar. Il nous a pas dit qu'il est sorti la nuit. Il nous a pas dit non plus qu'il est sorti le jour. Et dans une autre riwaya, une autre version du même hadith, on nous dit ماذا؟ On nous dit في ساعة من ليل أو نهار ولم يبين. Le compagnon nous dit il est sorti dans une heure de la nuit ou du jour, sans nous dire quand. Cependant, il y a un indice plus loin qui nous montre que c'est le jour qu'il est sorti. Le Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahum Allah azza wa jal, a dit il y a un signe dans ce hadith qui nous montre qu'il est sorti le jour. Pourquoi? Car nous allons voir à travers l'étude de ce hadith qu'à la fin, ou que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire que nous avons des bienfaits sur lesquels nous allons être interrogés et que ces bienfaits-là, nous allons être interrogés sur eux. Puis il dit, ظِلٌ بَارِكْ. Et on va le voir tout de suite, inshallah. Une ombre fraîche. وَرُطَبٌ طَيِّبْ. Des dattes fraîches. وَمَاءٌ بَارِدْ. Et de l'eau fraîche. Il dit, ظِل لَا يَكُنُ إِلَّا فِي النَّهَارِ. هذا دليل على أنه خرج في ساعة من النهار. Il dit que le fait qu'il y ait de l'ombre veut obligatoirement dire que c'était le jour. Car est-ce qu'il y a de l'ombre la nuit? La réponse non. Donc il est sorti pendant une heure du jour, sallallahu alayhi wa sallam. Une heure dans laquelle il n'avait pas l'habitude de sortir. Et une heure dans laquelle personne ne venait le trouver, alayhi salatu wa sallam. Alors Abu Bakr radiyallahu an est venu à sa rencontre. Atahu Abu Bakr fi hadhihi as-sa'a. Wa Abu Bakr radiyallahu an kana lazima Rasulillah alayhi salatu wa sallam, kana da'iman ma'ahu. Abu Bakr radiyallahu an était constamment avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Et cela fait partie de ses mérites. Il cherchait tout le temps à l'accompagner et tout le temps être en sa compagnie, en sa présence alayhi salatu wa sallam. Cela pour voir s'il avait besoin de quelque chose ou s'il avait besoin d'aide. Donc, quand le prophète est sorti ce jour-là, Abu Bakr radiyallahu an est allé le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui t'a fait venir, ô Abu Bakr? Pourquoi es-tu venu? Abu Bakr a dit, je suis sorti en comptant trouver le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, regarder son visage et le saluer. Et dedans, on voit que les compagnons radiyallahu anhum aimaient voir le prophète alayhi salatu wassalam. Ils aimaient contempler son visage. Ils aimaient le saluer. Ils aimaient le saluer. À un point où un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à un compagnon, assalamu alaykum. Le compagnon a répondu avec une voix très faible, wa alaykum assalam. De sorte à ce qu'il ait répondu, mais sans que le prophète l'entende, pour que le prophète réponde, répète encore « Assalamu alaykum ». Et le compagnon a dit à voix basse « Wa alaykum assalam ». Et le prophète alayhi salam a répondu encore « Assalamu alaykum ». Il a fait exprès pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salue plusieurs fois. Car assalamu alaykum, cette parole est une invocation. C'est comme si que tu demandais à cette personne que tu salues qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde le salut et la préservation contre tout mot, contre tout problème. Donc Abu Bakr radiyallahu anhu est sorti à la rencontre du prophète alayhi salat wa salam. Alors peu après lui vint Omar. Omar aussi est arrivé. Et Omar est venu tout de suite après Abu Bakr dans l'ordre des meilleurs sahabes radiyallahu anhu. Qu'est-ce qui t'a fait venir, ô Omar? Pourquoi tu es venu, Omar? Omar, qu'est-ce qu'il répond? La faim, ô messager d'Allah. Alayhi salat wa salam. Qu'est-ce qui t'a fait sortir? Qu'est-ce qui t'a fait venir? Qal al-ju'a. Kharajtu bi sabab al-ju'a, ya Rasulallah. Le prophète, alayhi salat wa salam, a alors dit, wa ana qad wajadtu ba'da dhalik. Il dit, j'ai ressenti une part de cela. De quoi il parle ici? De quoi il parle? Il a ressenti une part de quoi? Il a ressenti une part de faim. Lui aussi, il avait faim. Alayhi salatu wa salam. Donc, ils se sont trouvés à trois. Le prophète, alayhi salatu wa salam, Abu Bakr, Omar radiyallahu anhuma, et les trois avaient faim. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? On nous dit plus loin, ils allèrent alors vers le domicile de Abu al-Haytham, ibn al-Tayhan al-Ansari. Ils se sont donc dirigés vers cet homme qui faisait partie des nobles compagnons du prophète radiyallahu anhum et qui était généreux. Pourquoi se sont-ils dirigés vers lui? Car il avait de quoi les nourrir. Donc ils ont été chercher leur risque. Ils ont été chercher leur nourriture, de quoi manger chez ce compagnon. وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرًا نَخْلِ وَشَاءً. Et c'était un homme qui avait en sa possession beaucoup de dattes et il avait un troupeau de moutons. Radiyallahu anhu. C'était un homme qui possédait de nombreux dattiers et beaucoup de bétail. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ خَدَمٌ. Il n'avait pas de servant. C'était quelqu'un, car avant ils avaient des servants qui les aidaient dans leurs tâches professionnelles. Celui-là, il était riche, il avait des champs, et pourtant il n'avait pas de servant, il faisait tout seul. Radiyallahu anhu. Et c'est pourquoi ils ne le trouvèrent pas. Quelle est la raison pour laquelle quand ils sont arrivés chez lui, il était absent? C'est qu'il n'avait pas de servant. Et comme il n'avait pas de servant, il fallait qu'il fasse tout seul. Et pour faire tout seul, il fallait s'absenter de la maison pour aller travailler dans ses champs. Donc quand ils sont arrivés, il était absent. Radiyallahu anhu. فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالُوا لِمْرَأَتِهِ. Ils ont donc dit à son épouse, أَيْنَ صَاحِبُكِ أَيْنَ زَوْجُكِ. Ils ont donc dit à son épouse, où est ton compagnon, c'est-à-dire où est ton mari? فَقَالَتْ إِنْ طَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَا. Elle a dit, il est parti nous chercher de l'eau douce. يَسْتَعْذِبْ أي, il va nous faire sortir de l'eau douce, que ce soit du puits ou autre. Puis, on nous dit, ils n'attendirent guère longtemps qu'Abu al-Haytham arriva avec une outre dont le poids le faisait tituber. Yani, radiyallahu anhu, il est revenu avec un récipient qu'il avait rempli d'eau douce, tellement lourd, donc ici on nous dit qu'il avait beaucoup d'eau avec lui, tellement lourd que quand il marchait, on voyait dans sa démarche que ce qu'il portait c'était lourd. Comme quelqu'un qui porte un bidon de 20 litres à la main droite et un bidon de 20 litres à la main gauche, il ne va pas marcher comme quelqu'un qui ne porte rien. Donc voilà comment il est arrivé. Radiyallahu anhu. Il dit, il a posé ce récipient d'eau, puis vint serrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre ses bras en disant. Donc dès qu'il est arrivé et qu'il a vu le prophète alayhi salatu wa sallam, il a posé ce récipient rempli d'eau, car il était pris par la joie à l'idée de rencontrer le prophète alayhi salatu wa sallam. Il s'est dirigé vers lui et il l'a pris dans ses bras. Alayhi salatu wa sallam. Et il a dit, que mon père et ma mère soient ta rançon. Car les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, ils disaient tout le temps au prophète, alayhi salatu wa sallam, ô messager d'Allah, je serai prêt à donner mon père et ma mère pour toi. Et ils avaient l'habitude de dire cette parole. Et lui, quand il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcé justement cette parole en arabe, bi abi anta wa ummi ya rasulallah. Par, je donne mon père et ma mère en rançon pour toi au messager d'Allah. Puis, il les emmena dans son clos, c'est-à-dire dans son jardin. Donc, il avait un champ. Il a amené le prophète, alayhi salam, Abu Bakr et Omar, dans son champ, il était heureux de les voir. Pourquoi faire? Pourquoi il les a emmenés? Pour les nourrir, pour les honorer, comme on honore celui qu'on invite. Donc, ils sont allés dans son jardin. Étendit pour eux un tapis sur le sol et se dirigea vers un palmier dont il cueillit un régime de dattes qu'il déposa devant eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait entrer dans son jardin, il a posé des tapis par terre, il les a fait s'asseoir et il est tout de suite allé enlever des branches de dattes. Ce qu'on appelle al-qinou en arabe, c'est une grappe ou bien un régime de dattes, une grosse branche dans laquelle il y avait beaucoup de dattes. Remarquez qu'il n'a pas été prendre quelques dattes en choisissant les meilleures, mais il a pris toute une grappe entière de dattes. Et on va voir pourquoi, car lui-même va expliquer pourquoi il a fait cela. Donc, quand il est arrivé, il le déposa devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, sallallahu alayhi wassalam, a dit, « Pourquoi n'as-tu pas choisi parmi ceux qui sont tous mûrs ?» C'est-à-dire, il te suffisait, au lieu de ramener tout ça, de prendre quelques dattes parmi les dattes mûres et de nous les donner, et cela était suffisant. Pourquoi tu as ramené tout ça? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, j'ai voulu, ô messager d'Allah, que vous choisissiez vous-même entre les dattes mûres et celles qui le sont moins. Donc il a ramené tout ça pour le poser devant lui, pour que le prophète, alayhi salatu wassalam, choisisse. Qu'est-ce que tu veux manger? Je pose tout devant toi et toi tu choisis. Et c'est le sommet de l'honoration. Ça se dit ce terme? Non, ça se dit pas. Comment on dit? L'hospitalité, exactement, c'est ce que je cherchais. C'est le sommet de l'hospitalité que l'on offre à son hôte, à celui qui nous rend visite. Donc, ensuite il dit, donc il a dit, j'ai voulu au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, que vous choisissiez vous-même. Fa'akalu wa sharibu min dhalika al-ma. Ils mangèrent alors et burent de l'eau dont nous avons parlé. Fa'qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hadha walladhi nafsi biyadi min an-na'im alladhi tus'aluna anhu yawm al-qiyamah. Dhillun barid wa rutabun tayyib wa ma'un barid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui profitait de toutes les occasions qu'on lui donnait pour rattacher les choses à Allah et pour rattacher les cœurs des compagnons à Allah et pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et les faire sortir de l'insouciance. Quand ils ont mangé ces dattes fraîches et qu'ils ont bu cette eau fraîche, le prophète alayhi wa sallam a juré par Allah en disant cela, c'est-à-dire ces choses-là que nous sommes en train de consommer, par celui qui détient mon âme en sa main, c'est-à-dire je jure par Allah, fait partie des bienfaits dont vous serez interrogés le jour de la résurrection. Ombre rafraîchissante, date excellente et eau fraîche. Un autre hadith qui est rapporté par Muslim, dans lequel le prophète alayhi salam nous dit « Inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah an yuqala lah » Alam nusih laka jismak wa nurwika min al-ma al-barid. Le prophète alayhi salam dit, la première chose sur laquelle va être interrogé le serviteur le jour du jugement dernier, c'est qu'Allah lui dira, ne t'avais-je pas donné la santé? Ne t'avais-je pas abreuvé d'une eau fraîche? La première chose sur laquelle Allah azza wa jalla va t'interroger dans les bienfaits. Il n'y a pas de contradiction dans les hadiths. Dans un autre hadith, on nous dit, la première chose sur laquelle on va être interrogé, c'est la prière. Et dans un autre hadith, on nous dit, les premières choses sur lesquelles on va être interrogé, c'est le sang qui a coulé. Les gens qui se sont tués ou qui se sont entretués et qui se sont fait couler leur sang. Donc, il y a trois choses. La première, c'est la première chose sur laquelle on va être interrogé concernant les délices et les bienfaits. La réponse, ça sera l'eau fraîche et la bonne santé. Ensuite, La première chose sur laquelle on sera interrogé concernant les adorations, ça sera la prière. Ensuite, la première chose sur laquelle on sera interrogé concernant les différends qui opposaient les gens, ça sera le sang qui a coulé. Vous avez compris qu'il n'y a pas de contradiction dans les hadiths. Et le prophète, alayhi salam, a dit, vous allez être interrogé par Allah Azza wa Jalla sur ses bienfaits. Et cela est en accord avec la parole d'Allah dans la fin de sourate At-Takathur, la course aux richesses, à la fin de laquelle Allah dit ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Puis ce jour-là, vous serez interrogés sur les délices. Donc Allah Azza wa Jalla nous interrogera, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve ce jour-là et nous aide à répondre, et qu'Allah fasse de nous des gens reconnaissants. قال فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما. أبو الهيثم est allé ensuite leur préparer un repas. يعني ما اكتفى بهذا. Cela, il ne s'est pas suffi de ce qu'il leur a donné. Mais il est allé chercher de quoi leur cuisiner un repas. Ce qui veut dire que ce qu'il leur a apporté ici, ce n'était qu'une muqaddima, une entrée. Ce n'était qu'une entrée en attendant d'amener le vrai plat, qui sera de la viande, car comme nous venons de le voir, il avait en sa possession un bétail, il avait un troupeau de moutons, il n'avait qu'à choisir le meilleur mouton et pour le sacrifier, le cuisiner pour le prophète alayhi salatu wassalam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a compris qu'il est allé lui chercher de quoi cuisiner. Qu'est-ce qu'il lui a dit? فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ salatu wassalam لَا تَذْبَحَنَّ لَنَا ذَاتَ دَرْ أي شَاتًا حَلُوبًا. Il lui dit, n'égorge point de bête laitière pour nous. C'est-à-dire, ne prends pas une femelle qui allaite, une femelle qui sort du lait, car on peut profiter de son lait, donc on la laisse vivante celle-ci, on ne la mange pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا وَهُوَ ذَكَرَ الْمَاعِزِ. Donc, il dit, il immola alors une chevrette ou un chevreau à leur intention. Donc, c'est le petit de la chèvre. Puis vint avec par la suite. فَأَتَاهُمْ بِهَا أَيْ مَتْبُوحَ. Donc, il a sacrifié une petite chèvre et il est allé directement la cuisiner. Et il est arrivé avec le morceau de viande prêt. فَأَكَلُوا. Ils en ont mangé. فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ هَلَّكَ خَادِمْ. Donc ils en ont mangé. Et là le prophète a.s.w. a dit, as-tu un serviteur? C'est mieux de dire un servant. Un servant. As-tu un servant? C'est-à-dire quelqu'un qui est à tes côtés pour t'aider dans tes tâches professionnelles, dans tes tâches ménagères, dans tout ce que tu recherches. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a posé cette question? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Non. Là. Pas parce qu'il le faisait tout seul, non plus pour la première raison. Parce qu'il a vu qu'il avait beaucoup de tâches, là. Là. Non. Vous êtes tous loin, loin. Rapprochez-vous un peu, arrêtez de vous éloigner. Hein? Barakallahu fik. Pour savoir comment le récompenser. Il lui a dit, est-ce que tu as un servant? S'il lui dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le récompenser en lui ramenant un servant. Exactement. Donc, il lui dit, as-tu un servant? Non, répondit-il. Qala la, qala fa idha atana sabyun fa'tina. Le prophète alayhi salatu wasalam lui dit, lorsque des captifs nous seront amenés, viens nous trouver. Qu'est-ce que c'est les captifs? Les prisonniers de guerre. Quand il y avait des batailles et que les musulmans gagnaient, ils prenaient le butin et les captifs. Qu'est-ce qu'on faisait de ces captifs? Ils devenaient les servants des musulmans. Et souvent, après, ils entraient dans l'islam et après, les musulmans leur laissaient la liberté et ils devenaient des compagnons. Comme Bilal, par exemple, un des plus grands compagnons qui faisait l'adhan. Il était au début un esclave et ensuite il est devenu un des meilleurs des compagnons. Et c'est ce qui s'est passé pour ce captif-là, comme on va le voir tout de suite. Donc le prophète, alayhi salam, lui dit pour le récompenser, quand on aura des captifs, viens nous voir. C'est-à-dire, car je vais t'en donner un. فَأُوتِيَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثِ فَأَتَاهُ أَبُوْ الْهَيْثَمِ. Après cela, on amena deux captifs au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Haytham vint le voir. Donc ici, ce compagnon qui les a honorés comme on vient de le voir, est venu vers le prophète alayhi wa sallam, car lui-même lui avait dit, quand on aura des captifs, viens nous voir. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui a alors dit, choisis entre les deux. C'est-à-dire, choisis le captif que tu veux. فقال يا رسول الله اختر لي. Il dit, ô messager d'Allah, choisis pour moi. Ô messager d'Allah, choisis pour moi. Pourquoi? Pourquoi il dit, ô messager d'Allah, choisis pour moi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, va lui choisir la meilleure chose. Il va se baser sur les meilleurs aspects que l'on prend en compte pour choisir quelque chose ou pour choisir quelqu'un, comme on va le voir tout de suite après. Et donc, quand il a dit, ô messager d'Allah, choisis pour moi, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, inna al-mustashar mu'taman, khudh hadha, fa inni ra'aytuhu yusalli. وَاسْتَوْسِ بِهِ مَعْرُوفًا. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a alors dit, celui à qui on demande conseil doit être digne de la confiance mise en lui. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son livre Al-Adab al-Mufrad, qui concerne le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, a consacré un chapitre qu'il a appelé, intitulé Bab al-Mustashar Mu'taman. Chapitre, celui à qui on demande conseil, c'est le conseiller, doit être digne de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le compagnon a dit au messager d'Allah, choisis pour moi. C'est-à-dire, je te fais confiance. Je te demande de choisir car j'ai confiance en toi. Choisis pour moi. Et il y a une règle de base dans l'islam. C'est que le musulman à qui on demande conseil et à qui on demande l'orientation, il doit être digne de confiance. Il ne doit pas trahir son frère qui lui a demandé conseil. Il ne doit pas trahir son frère en l'orientant vers une chose mauvaise. Si par exemple, quelqu'un vient pour épouser une femme et il hésite entre deux femmes qui sont connues chez quelqu'un, il va voir ce quelqu'un et lui dit, à ton avis, quelle est la femme qui me correspond selon toi? Il doit absolument être digne de confiance et lui donner le vrai conseil et l'orienter vers la meilleure. Par exemple, certains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a deux femmes, une qui est de sa famille et qui n'est pas de bonne religion et de bon comportement. Une autre qui n'est pas de sa famille, mais qui est de bonne religion et de bon comportement. Celui-ci va venir le conseiller, de lui demander conseil. Il va lui dire, choisis celle-là, car elle est de sa famille, alors qu'elle a un mauvais comportement et qu'elle n'est pas de bonne religion, eh bien celui-là n'est pas digne de confiance dans le conseil qu'on lui a donné. Il aurait dû être digne de confiance et lui dire, prends celle-là. Celle-là est de ma famille, mais elle n'est pas bonne dans la religion. Prends celle-là. Et cela, c'est valable dans tous les aspects et les domaines de la vie quand on demande conseil. C'est un dépôt de bien conseiller. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le Sahih al-Bukhari, selon Abu Huraira, Ayatul munafiqi thalath. Les signes montrant l'hypocrite sont trois. Idha haddatha kadhab. Quand il parle, il ment. Wa idha wa'ada akhlaf. Quand il promet, il trahit sa promesse. Wa idha tumina khan. Et quand on lui donne un dépôt, il trahit. Donc quand on lui fait confiance et qu'on lui donne un dépôt, il trahit. Cette trahison est un signe de l'hypocrisie de la personne. Ainsi, le musulman n'a pas le droit de trahir quand son frère ou sa sœur lui demande conseil. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit cette parole. Ensuite, il lui dit, prends celui-là. Je l'ai vu faire la prière. Regardez sur quoi le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est basé. Sur la prière. Et dedans, le Cheikh Abdelrazzaq, hafidhahullah, tire une grande leçon. Il dit, quand tu as besoin de quelqu'un, par exemple, tu as une entreprise et tu veux faire travailler des gens, ou tu as besoin de services, eh bien, à la base, tu dois toujours chercher celui qui fait la prière. Pourquoi? Car c'est lui qui est plus à même d'être honnête et de respecter le dépôt que tu vas lui confier. Car la prière est une chose qui t'aide justement à toute autre chose. Allah a dit dans le Coran, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Cherchez de l'aide dans la patience et la prière. Donc celui qui ne prie pas, الَّذِي ضَيَّعَ الصَّلَاةِ فَلِمَا سِوَاهَا أَضْيَعَ. Celui qui gâche sa prière va gâcher autre chose à plus forte raison. Car s'il ne donne pas d'importance à sa relation avec Allah, comment va-t-il donner de l'importance à sa relation avec la tienne dans le dépôt que tu lui confies, alors que Allah lui a confié un dépôt qu'il n'a pas honoré? Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, nous montre quels sont les aspects que le musulman doit prendre en compte dans ces domaines-là. Notamment ici, la prière. Il dit, prends celui-ci, car je l'ai vu prier. Cet homme-là a vu les musulmans prier, ce captif. Il a aimé la prière et il a commencé à prier. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, traitez-le de manière convenable. Istawsi bihi ma'rufa. Wa lam yuhaddid lahu naw' al-ma'ruf. Lam yaqul lahu kun bihi rafiqa aw la tuthqil alayhi aw wa innama qala lahu istawsi bihi ma'rufa, ay kun bihi muhsinan fi jami' an-nawahi. Il lui dit, sois convenable avec lui. Il n'a pas dit dans quoi. Ne lui donne pas trop de charges insupportables. Ne le fatigue pas trop. Parle-lui correctement. Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit une parole globale. Sois convenable avec lui. C'est-à-dire, dans toute chose. Aie le meilleur comportement avec lui. Car le fait que c'est un servant ne veut pas dire qu'il doit être maltraité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, radiyallahu anhu, quand il a entendu ça? Il a pris ce conseil. Il est allé voir son épouse. فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمْ إِلَى مُرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Abu Haytham alla trouver son épouse et l'a mis au courant des propos du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle lui dit alors, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti voir son épouse pour lui dire, le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a donné ce captif comme servant et m'a dit d'être convenable avec lui. Pourquoi il a dit ça à son épouse? Qui a la réponse? Barakallahu fi. Istashara ahla. Il est parti demander conseil à sa femme. Il est parti demander conseil à sa femme et lui dit, c'est comme si qu'il lui a dit, comment je pourrais être convenable avec lui? Alors, son épouse, qui était une femme douée de raison, mar'a aqila, rachida, droite et douée de raison, lui a dit, فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ حَقَّ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِأَنْ تُعْتِقَهُ قَالَ فَهُوَ عَتِيقٌ. Allahu Akbar. Sa femme lui dit, tu ne parviendras à appliquer vraiment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet que si tu l'as franchi. Yani, tu ne parviendras tu ne deviendras avec lui convenable qu'avec une seule façon. C'est que tu l'as franchi. Tu le libères. Tu le laisses libre. Il n'est plus esclave. Ici, il faut qu'on s'arrête. On est en train de parler de quelqu'un qui a du bétail, qui a des champs. Il a besoin d'aide. Il a beaucoup d'arbres, desquels il doit cultiver et desquels il doit cueillir les dattes. Il a beaucoup de moutons et de bêtes qu'il doit gérer. Il ne peut pas faire ça tout seul. فَهُوَ بِحَاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَى خَادِمٍ. Il est dans le plus grand besoin d'avoir un servant, voire plus. Donc, le prophète, alayhi wa sallam, vient, lui donne un servant. Il est dans le besoin d'un servant. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui donne un servant qu'il a lui-même choisi et qu'il lui a conseillé de prendre en lui disant, خذ هذا, prends celui-ci car je l'ai vu prier. Et avec tout ça, sa femme lui a dit, tu ne parviendras à appliquer vraiment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet que si tu l'as franchi. Il n'a pas réfléchi une seule seconde. Il a dit, alors il est affranchi. Dès maintenant, je le libère. Et les sahaba radiyallahu anhum, les compagnons, étaient très rapides dans l'obéissance du prophète alayhi wa sallam. Ils cherchaient à plaire à Allah et à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas réfléchi. Le prophète aime ça, j'en ai besoin, c'est lui qui me l'a donné, c'est lui qui m'a dit de le prendre, mais moi je le libère. Car le prophète alayhi wa sallam aime ça. Qala fa huwa atiq. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar, wa bitanatun la ta'luhu khabala. Wa man yuwaffaqu bitanata as-su' وَمَنْ يُوْقَ بِطَانَةَ السُّوْ فَقَدْ وُقِي. Ensuite, le prophète a.s. a dit, Dieu, Allah, n'a suscité de prophète ou de souverain sans qu'il n'ait deux sortes d'entourage. C'est-à-dire, à chaque fois qu'Allah a envoyé un prophète, ou à chaque fois qu'Allah a donné la royauté à quelqu'un, et il en a fait un souverain, un roi, tout le temps ce prophète ou ce roi a eu deux sortes d'entourage, qu'on appelle en arabe al-bitana, l'entourage, les conseillers qui sont avec lui. Par exemple, le président, il a un entourage, al-bitana, ce qu'on appelle les ministres, ceux qui sont tout le temps avec lui, ses conseillers. À chaque fois qu'il y a eu un prophète ou un souverain, un roi, il y a toujours eu avec lui un entourage. Et cet entourage se divise en deux, soit bon, soit mauvais. Le prophète dit, un entourage qui leur recommande le bien et leur interdit le mal. Ça, c'est le bon entourage. Et un entourage qui ne manque pas de vouloir les corrompre. Celui qui est préservé de l'entourage pernicieux, l'entourage pernicieux, c'est l'entourage qui est mauvais, celui-là aura été sauvegardé. Donc ici, il nous dit, à chaque fois qu'il y a un roi, un gouverneur, un prophète, il est entouré par deux types de personnes. Le bon entourage, les personnes qui lui ordonnent de faire le bien, et qui l'interdisent de faire le mal et qui le conseillent convenablement, ou bien le mauvais entourage, les personnes qui lui conseillent tout le temps les mauvaises choses. Celui qui est préservé du mauvais entourage est préservé de tout mal. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça ici? Qui a la réponse? Barakallahu fik. Parce que sa femme lui a donné un bon conseil. Quand il est allé voir sa femme, et qui lui a dit, sa femme c'est sa bétane, hein, c'est son entourage, le plus proche peut-être. Il lui dit, le prophète alayhi wa sallam m'a dit d'être convenable envers ce servant. Sa femme lui a donné le meilleur conseil, lui a dit, libère cet esclave, c'est la meilleure façon d'être convenable avec lui. Quelqu'un d'autre aurait pu lui dire, garde-le et fais avec lui ce que bon te semble. Mais elle lui a donné le meilleur conseil. Alors le prophète alayhi wa sallam a montré que ce conseil est le résultat du bon entourage. Et il dit que celui qui est préservé du mauvais entourage est préservé du mal. Et cet homme-là a été préservé du mal. Peut-être que s'il avait gardé cet esclave avec lui, quelqu'un lui aurait poussé à faire des choses qui ne sont pas les meilleures choses. Mais ici, son épouse l'a orienté vers la meilleure chose. Et certains savants prennent ce hadith pour montrer une des bases de la croyance des gens de Ahl Sunnah, qui est l'obéissance au gouverneur musulman et le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal en demandant pour eux de les guider, car ils ont autour d'eux un entourage qui peut être bon ou mauvais. C'est pourquoi on entend souvent dans les invocations des imams qu'ils demandent à Allah Azza wa Jal de donner un bon entourage au gouverneur. Car s'ils sont bien entourés, ils seront bien conseillés. Et s'ils sont bien conseillés, ce bien va se répandre sur la Ummah. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs disaient parfois « Min alamat ahl al-bida' parmi les signes des gens des innovations, annahum yad'una ala al-umara, qu'ils invoquent Allah contre leur gouverneur. وَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَدْعُو لِلْأَمِيرِ فِي صَالِحِ الْأَمِيرِ فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ السُّنَّةِ. Il disait ici, tu vois quelqu'un qui invoque Allah en la faveur du gouverneur, sache alors que celui-ci fait partie des gens de la sunnah. نَكْتَفِي بِهَذَا. On s'arrête ici. وَاللَّهُ أَعْلَمْ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ وَبَرَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.